Mais il avait quitté, il a quitté en 57. 57, Oui. Il a fermé sa maison en 57. À la fin de l'année 57, tout à fait, à la fin de l'année, à la fin décembre. Oui. Et moi, je suis monté chez Ilève, ouvrier, comme premier ouvrier. Et puis, alors, j'ai resté 10 ans avec, chez Ilève, puis quand il est mort, on m'a fait reprendre la maison. Mais bah, la maison, il est quand même, car c'est le jour où il a paru, il est. Oui. Je travaillais comme. C'est moi qui dirigeais la maison, et puis il y avait que moi comme ouvrier. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup d'apprentis, j'avais toujours eu trois apprentis. Oui, oui.